Non moins, c'est maestro Winel Jean-François. Non pas parcours musical, non, jusqu'à journée jeudi, nous avons opportunité pour nous écrire en pile belle musique. Mais le fait que nous avons tout privilège ça, pour nous faire belle bagaille ça, prouve que nous sommes bien ensemble Jésus. Grâce à Dieu, nous comblé nous. Alors, journée jeudi, c'est vraiment un impératif pour nous présenter une parole céleste dans un album religieux. Dans l'album ça, nous avons associé nous avec un pile évangéliste de renom, un pile serviteur bon Dieu, qui t'a transmettre le message ça pour nous. Alors, ou même frère Maxime, qui a acheté ces deux paroles célestes, pour avoir un pile bel message qui marche ensemble quand même. Que bon Dieu bénisse.